بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères, à l'occasion de la rentrée scolaire, il a été décidé que le prêche de ce vendredi et de vendredi prochain, inshallah, porteront sur la question de l'éducation des enfants et son importance. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son aide. Nous implorons son pardon et sa guidance. Nous nous en remettons à lui du mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a mis sur la bonne voie, personne ne peut l'en dévier. Et celui qu'Allah met sur la mauvaise voie, personne ne peut le ramener sur la bonne voie. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique et sans associé. Et je témoigne que notre maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son messager et serviteur. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Muhammad, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, mes frères dans la foi, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Craignez-le pour vos âmes, craignez-le pour vos familles, craignez-le pour vos enfants et pour ceux qui sont sous votre tutelle et responsabilité. Craignez-le, il vous protégera, il vous enrichira, il vous guidera. Serviteurs d'Allah, savez-vous avec quoi se mesure le développement des individus et des nations? Savez-vous sur quelles fondations les civilisations se construisent? N'en doutez pas, c'est l'éducation. Serviteurs d'Allah, l'éducation des jeunes générations, la préparation des femmes et des hommes du futur est une grande responsabilité. Les musulmans doivent lui prêter une grande attention, car les déterminants de leur bonheur en dépendent. C'est pour cela qu'il faut s'y préparer avec méthode et avec tous les moyens nécessaires pour que l'éducation des enfants soit saine et réussie, loin des contradictions et des imitations aveugles, par fierté de notre personnalité civilisationnelle et dans le respect du Coran et de la Sunna. Serviteurs d'Allah, notre besoin pour l'éducation islamique est crucial. Nous en avons besoin plus que toute autre chose. Que valent les corps sans valeur morale et sans religion? Quelle est la valeur des images sans cerveau et sans âme? En fait, quelle est la valeur du contenant sans le contenu? Les corps sont communs à tous les êtres, de même que la recherche de la nourriture et de l'eau est commune aux humains et aux animaux. Et le besoin de manger et de respirer est commun aux croyants et aux mécréants. Mais les principes, les valeurs, l'éducation et la foi caractérisent les musulmans. C'est l'éducation qui fait la différence entre les humains et les animaux, et entre les humains éduqués et ceux qui ne le sont pas. Serviteurs d'Allah, combien de catastrophes, combien de drames les sociétés humaines subissent à cause de la délinquance. Pourquoi la moyenne des crimes est très élevée? La délinquance, les crimes et les drames sociaux que vivent les sociétés au quotidien n'auraient pas lieu si l'éducation n'avait pas été négligée. L'injustice, la violence, la corruption ne se propagent dans la société que si l'éducation est mauvaise. Le poète a dit « Les nations ne valent qu'avec leurs éducations ». Si leur éducation s'en va, elles périssent. De nos jours, l'éducation se perd et des générations sans éducation succèdent aux anciennes. Elles ne connaissent plus les droits d'Allah, ni ceux de ses serviteurs. Elles ne sont porteuses d'aucun message. Elles ne réalisent aucun objectif. Elles ne sont pas reconnaissantes. Leur vie n'est qu'amusement et oisiveté. Elles sont noyées dans le mal. En ces générations, il n'y a de bien ni pour la nation, ni pour le pays, ni pour les gens, ni même pour les parents. Y a-t-il un plus grand crime contre la société que celui-là? La mauvaise éducation des jeunes est un crime contre la société et contre toute la nation. Les sociétés se plaignent des problèmes sociaux. Les parents se plaignent de la désobéissance de leurs enfants, oubliant que l'origine du mal est la mauvaise éducation. C'est pour cela que les musulmans doivent prendre leurs responsabilités et user de tous les moyens pour éduquer leurs enfants. La famille, les parents, les proches, l'école, l'université, la mosquée, la société avec toutes ses composantes, ses moyens et notamment de communication, doivent mettre leurs efforts en commun pour éduquer dans le respect des valeurs nos filles et nos garçons afin d'aboutir à une génération exemplaire d'hommes et de femmes. Serviteurs d'Allah, notre religion a toujours porté une grande attention à la question de l'éducation, loin des philosophies compliquées et des idées polluées. Pour la société musulmane, toutes les théories éducatives qui ne tiennent pas compte du Coran et de la Sunna sont vouées à l'échec. Le but étant l'éducation dans la crainte d'Allah et son obéissance. Il faut éduquer les jeunes pour qu'ils soient porteurs de valeurs, des valeurs et de la foi qui sont les nôtres, pour qu'ils aient un objectif dans la vie et que cela se voit dans leur comportement et leurs actes et que cela s'entende dans leurs paroles. Serviteurs d'Allah, à l'ère de la télévision, de la parabole, de l'Internet, des téléphones portables, de la permissivité de la société et des libertés dévoyées, contrôler l'éducation des enfants est le seul moyen de les sauver et de sauver la société. Pour cela, il faut soustraire les enfants à la rue, à ces mauvaises fréquentations, à ces mauvaises influences, et surtout, il faut veiller au bon déroulement de leur scolarité. Les enfants doivent faire leurs devoirs, entrer à la maison à l'heure, manger à l'heure, dormir à l'heure et partir à l'école à l'heure, propre et correctement habillés. Nous reviendrons sur tout cela en détail vendredi prochain, inshallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين